Dès que j'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier plus ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh. J'ai fait des choses regrettables, c'est ça, t'es toujours en pétard. T'es mal équipe, redoutable, je connais la nuit comme les guettards. Passe la douane, y'a rien à regarder, de toute façon je suis booké sur toute l'année. On s'est vu le temps d'une soirée, encore un petit cœur à réparer. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier plus ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Ani nanani nina oh, ani nanina nina oh. Ani na na ni ni na o, tani na ni na ni na o. Ani na na ni ni na o, tani na ni na ni na o. Ani na na ni ni na o, tani na ni na ni na o. Tani na na ni na o, tani na na ni na o, tani na ni na ni na o.